Antoine de Saint-Exupéry fit paraître en 1931 son roman intitulé « Vol de nuit ». J'en ai enregistré pour vous le découpage qui suit. Mais pour mieux comprendre certains comportements décrits dans ce roman, il faut avoir présent à l'esprit ce qu'André Gide, au début de sa préface à « Vol de nuit », écrivait. Il s'agissait, pour les compagnies de navigation aérienne, de lutter de vitesse avec les autres moyens de transport. C'est ce qu'expliquera dans ce livre Rivière, le chef d'escale à Buenos Aires. C'est pour nous une question de vie ou de mort, puisque nous perdons chaque nuit l'avance gagnée pendant le jour sur le chemin de fer et les navires.